franceinter.fr. Affaire sensible de la fiction, aujourd'hui Jean et Leïla Chatila, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Christelle Vesmera, réalisée par Pascal Deux. Lui, Jean Genet, déjà en 1943 devant un juge au tribunal correctionnel de la Seine, accusé d'avoir volé un livre de Paul Verlaine, Les Fêtes Galantes, chez un libraire parisien, Jean Cocteau venait à sa défense. Que vous dire de Jean Genet? C'est le plus grand écrivain du siècle, et croyez-moi, je m'y connais. Sulfureux, provocateur, Genet le vagabond a trouvé un point d'ancrage dans la littérature et la poésie. Ce voyage d'écriture et de combat, il l'entreprend par l'engagement, et c'est désormais vers les révolutions ou les révoltes qui secouent le monde qu'il se tourne. Le compagnonnage avec les Palestiniens sera son engagement le plus fort et le plus durable. Elle, Leïla Chaïd, combattante, résistante, de Jérusalem, berceau de sa famille, jusqu'à Beyrouth où elle fut exilée, Leïla Chaïd le dit, c'est en 1967, après la guerre des six jours, que je suis entrée en politique. Je suis passée de l'écrasement à la détermination. Elle rejoint l'OLP Yasser Arafat. Nommée déléguée générale de Palestine à Paris pendant 12 ans, puis à Bruxelles, elle est l'incarnation de la Palestine en Europe. Jean Genet et Leïla Chaïd deviennent amis et tous deux, avec fougue et détermination, assoiffés de justice, se retrouvent dans le combat pour la reconnaissance et la création d'un État palestinien indépendant. En juin 1982, Leïla rend visite à Jean, son ami, qui vit au Maroc. Affaibli par son cancer de la gorge et en panne d'inspiration, il n'écrit plus depuis plus de 10 ans. En septembre, Leïla lui annonce qu'elle part pour Beyrouth. Jean veut l'accompagner, l'occasion de sortir de sa dépression et de faire qu'il se passe quelque chose de nouveau dans sa vie. À Beyrouth, le siège est levé depuis peu. La ville est complètement détruite par les bombardements. Le lendemain de leur arrivée, le président Béchir Gemayel est assassiné. Les troupes de l'armée israélienne entrent dans Beyrouth. La situation est extrêmement tendue. Durant 2 nuits, ont lieu dans le secret le plus obscur les massacres de Sabra et Chatila, à quelques kilomètres au sud de la ville. Jean et Leïla pénètrent dans les camps et découvrent alors l'horreur. Pour Jean Genet, c'est un électrochoc. De retour à Paris, la nécessité de témoigner amène Jean à reprendre l'écriture. Il écrit alors l'un de ses plus beaux textes, 4 heures à Chatila. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Cette fiction est la seconde d'une série de 5 écrites par une jeune scénariste de la Fémis pour Affaires sensibles. En effet, tout au long du mois de mars, nous diffuserons les vendredis des fictions écrites par des jeunes auteurs de cette grande école de cinéma qui partagent avec nous la même passion pour la radio. Aujourd'hui, nous recevons Christelle Alves-Mera, qui a écrit Jean et Leïla à Chatila. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors cette toute première question, pourquoi cette histoire d'abord? Pourquoi ce choix? D'abord parce que Jean Genet, c'est avec Jean Genet que j'ai fait mes premiers pas au théâtre avant d'arriver au cinéma. J'ai mis en scène 2 de ses pièces, Les Nègres et Splendides. Donc c'est toujours un peu difficile de résumer ce qui nous fascine chez un auteur avec une œuvre aussi riche que complexe. Mais je dirais que c'est la violence qui traverse sa poétique, qui est à la fois lyrique et cruelle. Ce qui me fascine chez lui, c'est l'agitateur, l'homosexuel, l'orphelin, le voleur, celui qui s'est mis du côté des marginaux, des parias, qui ne se reconnaît pas dans la France, ni dans aucune nation. Il disait « je suis du côté de ceux qui cherchent un territoire, bien que je refuse d'en avoir un ». Et donc, lors d'une de mes créations splendides, j'étais au Maroc, j'ai passé beaucoup de temps à l'arrache, dans cet endroit même où Jean Genet a passé les dernières années de sa vie, là où il a rencontré Leïla. Oui. Et donc, c'est cette familiarité, cette intimité que j'ai avec son œuvre, cette obsession de metteur en scène pour son théâtre qui m'amène à vouloir raconter cette histoire. Vous concevez le travail de scénariste comme un engagement qui consisterait à partir du réel, non pour dénoncer simplement les malheurs du monde, mais pour donner une dimension humaine, parce que parfois, l'histoire officielle peut écarter, à coup de chiffres, de précisions, d'analyses, la dimension humaine. Exactement. En fait, j'ai voulu, au-delà de la restitution des événements historiques, je voulais m'intéresser, poser mon regard sur cette relation plus intime que Leïla et Jean ont eue. J'ai été très touchée de lire les propos qui ont été rapportés par Leïla dans des textes réunis par Jérôme Hawkins dans Genet à Chatila. Et donc, je voulais raconter leur courage, leurs doutes, leur drôlerie face à cet événement. Et ça a été j'ai ressenti beaucoup de pudeur au départ à devoir raconter Leïla et Jean face à ce massacre. Et j'ai senti le besoin de prendre mes précautions pour être au plus proche du réel. Et j'ai beaucoup pensé à Jean Genet d'ailleurs, à cet exercice mental de reconstitution qu'il a dû lui-même opérer au moment où il écrit 4 heures à Chatila. Imaginer la vie des victimes, des bourreaux, avec pour seul indice ces cadavres, ces postures affreuses. Et donc voilà, dans ma démarche, il y avait une sorte de mise en abîme qui m'a donné le vertige. C'était moi face à Jean Genet qui raconte l'horreur. Et je crois que la force justement de 4 heures à Chatila, sa puissance, c'est que Jean Genet n'est pas un journaliste, il est un auteur, un poète. Et écrire, c'est trahir, et c'est ce qui m'a réconfortée. Écrire, c'est trahir. Alors, tiens, on va parler d'écriture. Qu'est-ce que c'est l'écriture radio? C'est quoi cette expérience que vous avez vécue? Qu'est-ce que vous en tirez? C'est-à-dire, bon, pour le cinéma, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais on écrit en termes d'image et de son. Là, on a donc un sens qui est coupé, l'image. Et en fait, au théâtre, je suis un peu comédienne aussi, et je ressens que le théâtre existe à partir du moment où on le met en bouche, on arrive à se connecter avec une certaine rythmique. Et à la radio, c'est pareil. Enfin, le défi, c'était de rendre ces images... audible, en tout cas, de susciter l'imaginaire chez l'auditeur. Et c'était un beau défi, surtout de ne pas tomber dans l'explication, d'essayer d'être au plus proche de ces personnages qui ont vraiment existé. Et je suis très, très émue aujourd'hui d'être sur ce plateau avec Leïla. Susciter l'imaginaire, avez-vous dit, bien, c'est l'une des grandes fonctions de la radio, précisément. Merci Christelle Alves-Mera et bravo pour votre texte. Merci. Après la fiction, nous continuerons notre parcours dans l'histoire et le réel avec Leïla Shahid, l'ancienne ambassadrice de Palestine auprès de l'Union Européenne et amie de Jean Genet. Elle est notre invitée. Jean et Leïla à Chatila, de Christelle Alves-Mera. Réalisation Pascal II. Lundi 13 septembre 1982. Jean et moi sommes enfin arrivés à Beyrouth. Après avoir passé tout l'été au Maroc, je retrouve le Liban. L'état de santé de Jean m'inquiète. Lorsque je lui ai annoncé mon départ pour Beyrouth, il a décidé de m'accompagner. Nous logeons dans l'appartement de maman. Je suis tellement heureuse de revenir dans cette ville. Après un vol pour Damas, nous avons pris un taxi collectif pour Beyrouth. Nous sommes passés par de nombreux barrages tenus conjointement par les phalangistes et l'armée israélienne. Nous avons traversé des chemins de montagne et des paysages magnifiques. Jean est si peu inspiré en ce moment. Ce voyage lui fera peut-être du bien finalement. Encore du café ? Merci, ça va. Quelle belle vue depuis ton balcon. C'est donc ici que tu es né. Eh oui. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, c'est curieux. Attends, j'ai des jumelles, je vais les chercher. Oui. Tu vois quelque chose ? Des uniformes français. C'est le contingent français des forces multinationales qui part. Avant la date prévue ? C'est mauvais signe. Qui va protéger les civils palestiniens dans les camps ? En tout cas, vous ne risquez pas de vous faire exploser sur une mine. Les troupes françaises ont déminé la ville avant de partir. Un travail risqué, mais bien utile pour ça. Ils vont pouvoir rentrer tranquilles, sans angoisse, Yanni. Sur ta droite, Jean, le camp de Chatila. Le camp de Chatila est une sorte de terrain vague où se dressent dans le désordre et à la fortune du pot des petits blocs de parpaings agencés comme un kaléidoscope. Des fenêtres étroites et des sols en simple ciment. Parfois, on compte un étage dont le toit forme une terrasse. Des ruelles labyrinthiques dessinées par l'improvisation d'un urbanisme sauvage. Je les aime. Qui ? Les Palestiniens. Oui, je comprends. Je ris, car depuis la vitre de la voiture, je vois comme Jean, un jeune fidaïne de 17 ou 18 ans, armé d'une kalachnikov. Avec son air héroïque, il prend la pose. Il est fort tout de même, Arafat. Il a fait croire aux Israéliens et aux Occidentaux qu'il évacuait tous ses combattants. Mais en réalité, il n'a fait confiance à personne. Dieu merci, il a laissé des hommes pour protéger son peuple. Partez ! Partez ! Qu'est-ce que c'est ? Eh toi le fou, pousse-toi de là où je t'écrase. Et vous allez vas avec Bachir. Guy, de Rilkun. Ces fils de pute sont de retour. La nuit est agitée. Je n'arrive pas à dormir. Je sens que quelque chose de terrible vient d'avoir lieu. Le journal d'Arlette Chabot. Béchir Gemayel a donc été victime d'un attentat commis hier dans Beyrouth Est, une charge de TNT qui a détruit l'immeuble des milices chrétiennes. L'attentat a eu lieu au milieu de l'après-midi, vers 16h. Il a fait une vingtaine de morts et 60 blessés. Presque immédiatement dans la confusion, on a annoncé, Michel Barthélémy, que le nouveau président de la République était sain et sauf, car il y a eu à ce moment-là beaucoup de témoignages contradictoires. Oui, reprenons le film des événements. Très précisément, il est 16h30 quand au siège des partis Kataeb, du parti Kataeb, autrement dit des phalanges, une charge de 200 kilos de TNT placée derrière l'immeuble explose. Les trois étages sont littéralement soufflés. L'évacuation sera lente. Elle se fera avec l'aide des militaires israéliens, en tout cas des camions siglés de l'étoile de David, stationnés devant l'immeuble à ce moment-là. Mercredi 15 septembre 1982. Jean et moi, nous levons très tôt pour prendre le café sur le balcon. Jean est encore sous les effets de son traitement. Il prend du Nimbutal. Au balcon, des dizaines et des dizaines de robes palestiniennes pendent à la véranda. L'armée israélienne est en ville et les robes palestiniennes de maman pendent au balcon. Ma mère n'est pas là, mais Marwa, une jeune fille libanaise dont la maison a été détruite par les bombardements, habite chez nous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Marwa ? Y'a Marwa, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi les robes pendent au balcon? Des drapeaux palestiniens, c'est marrant. Y'a Marwa, Wainik, réponds-moi. Oh non, j'ai trouvé les robes dans le coffre de ta mère. Je voulais juste les aérer un peu, t'as fait pour que les mythes ne les bouffent pas. Oh là, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ? Du balcon, nous observons avec leurs sacs à dos et leurs antennes les jeunes soldats israéliens gravir la pente qui mène de la mer vers le centre-ville en passant devant notre appartement. Tous les habitants de l'immeuble sont paniqués car les chars tirent des obus à blanc pour terroriser la ville. Jean est surexcité. Il veut tout voir de près. Ouvrez-moi cette grille, s'il vous plaît. Je veux sortir. Jean, fais pas l'imbécile, viens. Mais, mon Dieu, ouvrez cette grille. Je veux y aller voir. Je veux y aller voir. Arrête, Jean. Viens, viens. Jean, allez-y, monsieur, descendez aux abris. Allez, Jean, dehors, tu risques de te faire tuer. Allez, viens. Marwa, t'es Zadine. Laisse-moi mourir, Layla. Je m'ennuie tellement. Après le bombardement, Jean et moi passons la soirée à regarder le ciel illuminé par d'énormes fusées éclairantes au sud de la ville. Là où sont les camps de Sabra et Shatila. Que se passe-t-il? Pourquoi cette partie-là de la ville? D'autant plus qu'on n'entend ni canons ni mitraillettes. Le calme total. Plus d'électricité, pas une voiture ne circule. Un silence absolu, c'est effrayant. Presque surréaliste. Vendredi 17 septembre au soir. Nous sommes, Jean et moi, chez des voisins quand, vers 18h, quelqu'un sonne à notre porte. Layla, je te présente une infirmière norvégienne. Bonjour. Bonjour, Alain. Elle arrive de l'hôpital d'Aka, au camp de Shatila. Elle a des choses terribles à dire. Il faut à tout prix que tu fasses passer un message à l'OLP. Ils sont en train de massacrer tout le monde dans le camp. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Depuis mercredi soir, les Israéliens ont fermé les camps. Des gens ont tenté de sortir, mais les soldats israéliens ont ouvert le feu. Cette nuit, j'ai entendu des bruits bizarres provenant du camp. Pas des coups de feu, mais le bruit de haches découpant des corps. À la sortie du camp de Sabra, il y a des familles palestiniennes, des femmes, des vieux, des gosses qui tournent en rond. Ils parlent pas, les yeux noirs, les mâchoires serrées, ils fuient. Les marchands ambulants sont plus là. Il n'y a que le vide et des essaims de mouches. Les Israéliens sont-ils à l'intérieur du camp? Qu'est-ce qu'ils tirent là, en ce moment? Je sais seulement que les Israéliens, avec leurs canons, obligent les gens à rester chez eux. En ce moment, ce sont les chrétiens, les miliciens de Hadad qui attaquent. Il faut que vous alertiez le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des morts, des blessés? C'est difficile de comprendre vraiment ce qui se passe. Time, on va commencer par aller au consulat de France qui est juste en face de la maison. Absolument pas. La politique française, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Il est 10h du soir, Jean. Tu vas pas nous laisser aller toutes seules à l'ambassade de France, toutes les deux, seules, dans la nuit, alors que la ville est plongée dans le noir et que les miliciens sont armés. Ce n'est pas mon travail à moi d'aller au consulat de France. Je suis du côté de ceux qui cherchent à avoir un territoire, mais je refuse d'en avoir un. Nous sommes en septembre 1982 à Beyrouth. Les fédayines se sont dissous. À l'intérieur de moi repose le mort que je suis depuis longtemps. Ce qui m'étonne, c'est l'immobilité en moi de ce mort, étant moi-même celui-là, malgré les trous d'air, départs brusqués, vagues hautes, dos d'âne, panne de pales. Tout se déplace avec des heurts en me déplaçant quand je ne suis qu'un colis, et pourtant un être humain portant mon nom et ma tombe. Un colis et un mort qui mange, regarde, rit, siffle, aime à tort et à travers. Dimanche 19 septembre 1982, vers 10h, j'entre dans les camps de Sabra et Shatila avec à mes côtés deux journalistes américains. D'un mur à l'autre d'une rue, arqué ou arc-bouté, les pieds poussant un mur et la tête s'appuyant sur l'autre, les cadavres noirs et gonflés que je dois enjamber sont tous palestiniens ou libanais. J'enjambe les morts comme on franchit des gouffres. Ici, à Shatila, je perçois l'obscénité de l'amour et l'obscénité de la mort. Les corps, dans les deux cas, n'ont plus rien à cacher. Le corps d'un homme de 35 ans est couché sur le ventre, comme si tout le corps n'est qu'une vessie en forme d'homme, la tête plus grosse qu'une pastèque. Je demande son nom. Il est musulman. Qui est-ce? Palestinien. Voyez ce qu'ils ont fait. Je peux voir son visage? Si vous voulez. Mais voyez-le vous-même. Vous voulez m'aider à tourner sa tête? Non. L'a-t-on tiré à travers les rues avec cette corde? Je ne sais pas, monsieur. Qui l'a lié? Je ne sais pas, monsieur. Les gens du commandant Hadad? Je ne sais pas. Les Israéliens? Je ne sais pas. Les Katayeb? Je ne sais pas. Vous le connaissiez? Oui. Vous l'avez vu mourir? Oui. Qui l'a tué? Je ne sais pas. Jean? Entre! Ça va? Là et là, on n'aura jamais assez de planches et de menuisiers pour faire des cercueils. Pourquoi des cercueils? Ils sont tous musulmans. Combien de métrages de tissu blanc faudra-t-il alors pour ensevelir tant de morts? Jean, ton visage? Non, ça va. Qu'est-ce qu'il... Mais tu t'es brûlé? Tu es couvert de cloques? Je vais te chercher de la crème. Mais c'est rien, va. Être là, à parler, c'est plus pénible que tous les combats que j'ai menés. Parce que j'ai survécu à ces combats. Mais le combat contre moi-même, je n'en suis pas encore sorti. Parler de tout cela, c'est à la fois être jugé et purger ma peine. Si je parle à découvert, je suis mort dans la minute, moi et ma famille. Après la mort de Bachir, nous avons été rassemblés dans la cour en plein milieu de la nuit. Des combattants étaient encore en slip. Minuit passé, c'était la pagaille. Maroun Mashalani, le chef de la sécurité, nous a dit « On va voir les assassins de Jmaïel, ils doivent tous mourir. » Et moi j'ai dit « Tous ?» Et le chef a dit « Tu ne veux pas venger Bachir ?» J'ai répondu que « Oui, bien sûr. » Notre devise c'était « Les grands, les petits, les nouveau-nés, pas de pitié. » On a ouvert le feu aussitôt, sans rien dire. Les femmes sortaient en premier. Elles se lamentaient pour nous apitoyer. Elles se condamnaient à mourir en premier. On entrait dans chaque pièce, on mitraillait. Hop, une grenade, et on recommençait. Les gens criaient. « Où es-tu, Dieu ? Que nous arrive-t-il ? Regarde ma fille, mon mari !» Et ils tombaient, morts. Moi, je me disais, ce petit-là va grandir et me tuer. Cette fille va faire des enfants. Non, il faut pas. Je les tue. Le premier, tu hésites. Le deuxième, c'est plus facile et après, c'est comme jouer aux billes. Dans la nuit noire, on a demandé aux soldats israéliens d'éclairer le camp et... ils ont tiré des fusées éclairantes jusqu'à 5 heures du matin. Il y avait une jeune Palestinienne, une blonde, en foulard. Elle criait qu'elle était vierge. Un des nôtres lui a arraché ses vêtements. Il s'est acharné sur elle, puis il l'a liquidée. Nous, on rigolait. J'ai mis un homme contre le mur de sa chambre, les bras écartés, et j'ai sorti mon couteau. Je lui ai passé sur la gorge et je lui ai déboîté les bras. Mourir d'une balle, c'est rapide, ce n'est rien. Avec le couteau, il meurt 2 fois ou 3. Mercredi 22 septembre 1982. Je passe ma journée à compter les morts au milieu des boîtes de conserve et des bouteilles de whisky. C'est comme si les assassins avaient vécu pendant les 3 jours et les 3 nuits avec ces cadavres qu'ils assassinaient. Jean s'est enfin décidé à sortir de sa chambre. Depuis 3 jours, il mange à peine et ne veut voir personne. Il insiste pour rentrer à Paris. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas d'aéroport à Beyrouth. Heureusement, j'ai trouvé une amie pour faire le voyage avec lui. Jean, imagine que là, maintenant, tu es dans le taxi collectif. N'oublie pas, tu as un passeport français et une tête de français. Avec tes cheveux blancs et tes yeux bleus, il ne faut surtout pas que tu t'amuses à provoquer les soldats israéliens au barrage, hein? Vous allez être contrôlé plusieurs fois d'ici Damas. Alors, tu exécutes les ordres et tu ne fais pas le malin comme tu as l'habitude de le faire, hein? Si tu as des écrits sur toi, donne-les-moi. Je les ferai sortir par la valise diplomatique. Ne t'inquiète pas, j'ai tout déchiré en petits morceaux. Et j'ai tiré la chasse. Et voilà. Pourquoi tu as tout déchiré? Pourquoi tu ne m'as rien confié? Si ce que j'avais écrit en valait la peine, je l'aurais conservé. Je n'ai plus rien dit. Et il est parti avec mon ami. C'est la première fois que Jean mentionne qu'il a écrit quelque chose. Je comprends alors que pendant ces 3 jours où il s'est enfermé, il a écrit. J'étais trop occupée pour le remarquer. L'idée ne m'a même pas effleuré l'esprit. Je reste 1 mois de plus à Beyrouth. Dès mon retour à Paris, je vais le voir. Du fond du lit où il est couché, Jean me tend un manuscrit déjà tapé à la machine. Comment tu le trouves? C'est un texte comme tu n'en as plus écrit depuis 30 ans. Je suis bouleversée. Tu veux le publier? Bien entendu que je veux le publier. Il est pour toi. Prends-le. Ce texte, c'est notre victoire sur la mort, contre l'horreur de ce que nous avons vu. C'est ton retour à la littérature. Tu renais, Jean. C'est vrai. Regarde, et je bois du lait comme un bébé. Personne ne va comprendre comment Jean Genet a bien pu se retrouver à Châtilla juste après le massacre, alors qu'il est censé crever d'un cancer à Paris. Les gens vont croire que tu as écrit ce texte en regardant la télévision, ou bien que tu as tout imaginé. Qu'ils aillent se faire foutre. Ce jour-là, je quitte Jean et je m'empresse de déposer le texte à la revue d'études palestiniennes où ils achèvent justement de boucler leur numéro. 4 heures à Châtilla et publié sans commentaire, sans aucune explication. Tout le monde croit alors que c'est un texte de fiction. Quelques mois plus tard, je retrouve Jean pour déjeuner. C'est le début de l'été et soudain, j'ai une vision absolument extraordinaire de Jean, habillé en blanc de la tête aux pieds. Avec ses cheveux blancs, son blouson blanc, une chemise blanche bien repassée, ce qui ne lui ressemble pas du tout, et des chaussures blanches. La transformation est incroyable. Je l'ai quitté dans sa chambre d'hôtel à boire du lait comme un bébé et je le retrouve radieux comme une mariée. L'envie d'écrire suscitée par l'horreur de la mort a eu sur lui l'effet qu'il notait lui-même sur les fidaïnes. La révolte crée chez eux sa propre esthétique, avec un effet immédiat sur leur tenue, leurs gestes et sur leur attitude, sur la manière dont ils se tiennent droit. Pour Jean, ici, c'était le désir de créer, d'écrire. C'était « Jean et Laïla à Châtilla » de Christelle Alves-Mera avec Fred Ulysse, Jean Genet, Darina Aljoundi, Leïla Chaïd, Jacqueline Ersessian, le chauffeur de taxi, Taher Mohamed Akbar, le fou, Rima Saman, Marwa, Mathieu Rochevarger, le bourreau, Judith Jongso, l'infirmière norvégienne, Toufan Manoucheri, la voix de femme, Mohamed Gelati, l'homme dans le camp de Châtilla, une femme, Assia Sassi. Prise de son montage et mixage, Claire Levasseur, Mathieu Leroux. Bruitage, Patrick Martinache. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Pascal Deux. L'auteur s'est inspiré des livres suivants. Un captif amoureux, de Jean Genet. Jean Genet, d'Edmund White. 4 heures à Châtilla, de Jean Genet. Massacre, Sabra et Châtilla par ses bourreaux, de Monica Borgman, Lockman Slim et Herman Tesson. Les dialogues de Leïla Chaïd et Jean Genet sont tirés des livres suivants. Genet à Châtilla, texte réuni par Jérôme Hankins. Sabra et Châtilla au cœur du massacre, de Jacques-Marie Bourget. Et allez les lames, tout. حرك ذكرى المحبوب احيي لعطر حبيبي اشبه بعطر العود يا ليلي لما تطول خلي المسافة تزول بلغ شوقي لحبيبي من لمسته محروم البعد عنه طال واشتد شوقي وصار البعد عنه طال واشتد شوقي صوت حبيبي اشتد شوقي لي همساته تلمس ديني زي حفيف الريح يا ليل الهم حبيبي اتمنى لو تغري وصل صوتي لحبيبي اشواقي تنادي يا ليل الهم حبيبي أتمنى لو تغري وصل صوتي لحبيبي أشواقي تنادي البعد عنه طال واشتد شوقي Massacre dans deux camps de réfugiés palestiniens de la banlieue de Beyrouth, à Sabra et Shatila, des centaines de civils, hommes, femmes, enfants et vieillards, ont été abattus méthodiquement la nuit dernière. Ces massacres auraient été perpétrés par les milices du commandant dissident libanais Saad Haddad. Mais pour notre envoyé spécial Yves Loiseau, les choses ne sont pas si simples et la responsabilité de cette tuerie pourrait être partagée avec les phalanges. Qui est responsable du massacre de Sabra à Beyrouth-Ouest ? C'est la question que tout le monde se pose cet après-midi dans la capitale libanaise. Les derniers réfugiés qui fuyaient le camp palestinien en fin de matinée accusaient les milices du commandant Haddad, dissident chrétien de l'armée libanaise, qui depuis des années collabore avec le gouvernement israélien dans le sud du pays. Mais d'autres témoignages, recueillis notamment auprès de l'armée israélienne, mettent en cause les phalanges, les forces libanaises de feu Béchir Gemayel. Personne n'est en mesure ici ce soir d'indiquer les réels auteurs de ces massacres qui ont coûté la vie à plus de 50 personnes selon un lieutenant de l'armée libanaise, à une centaine de personnes selon d'autres témoignages. Dans les camps palestiniens, c'est l'exode. Les rares réfugiés qui restaient encore dans les ruines ont fui vers le nord, vers le centre-ville, pour tenter d'échapper à de nouvelles exécutions. France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaire sensible, la fiction. Aujourd'hui, Jean et Leïla à Shatila. Notre invité, Leïla Chaïd, ancienne déléguée générale de Palestine en France, notamment. Bonjour Leïla Chaïd. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes née à Beyrouth, au Liban, dans une famille aux racines palestiniennes de Jérusalem. Vous n'avez jamais vécu en Palestine, mais la cause a marqué votre vie depuis toujours. Sur la proposition de Yasser Arafat, vous devenez la première représentante palestinienne féminine en 1989. Vous le resterez pendant un quart de siècle, d'abord en Irlande, puis aux Pays-Bas, au Danemark, à l'UNESCO, en France, et on s'en souvient forcément, de 1995 à 2005, puis pendant 10 ans auprès de l'Union Européenne, de la Belgique et du Luxembourg. Vous êtes à la retraite, bien méritée j'imagine, depuis 2 ans, mais vous continuez d'incarner le rôle de diplomate de la Palestine auprès de la société civile en Palestine et dans la diaspora. C'est bien ça ? Oui, je ne dirais pas de diplomate parce que je ne m'occupe plus de diplomatie. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a de la diplomatie aujourd'hui à l'ombre de ce que nous vivons, que ce soit en Israël ou aux États-Unis, mais je suis toujours très proche des Palestiniens, surtout lorsqu'il s'agit de leur expression artistique et culturelle. Et je me félicite de ce projet de Christelle parce que je trouve que 31 ans après le décès de Genet, sa voix porte encore. Et je trouve que les textes littéraires, et je suis très heureuse de les voir aujourd'hui aussi écoutés à la radio, parce que je suis, comme vous le savez, une très grande amie de la radio et en particulier de France Inter. Je pense que aujourd'hui le public est fatigué, je dirais presque du harcèlement du news, le news étant l'actualité, et que le recul de la parole poétique littéraire peut-être fait réfléchir, donne à voir ce que ne dit pas aujourd'hui le langage de la presse. La quête de sens que nous essayons de nourrir, sens, tout à fait. Évidemment. Alors, avant tout, j'aimerais vous demander comment vous avez connu Jean Genet, comment ça s'est passé, comment l'amitié s'est nouée vite, parce que souvent les amitiés, elles se nouent vite. Hein. Y a un déclic, il y a quelque chose. Oui, tout à fait. Je pense d'ailleurs que Genet n'a pas seulement adopté par engagement des causes. Bien sûr, il y avait, comme il a défendu tous les peuples qui se sont battus pour leur liberté, mais regardez d'ailleurs, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, il n'a pas signé l'appel des intellectuels qui ont critiqué l'occupation française. Il a défendu les prisonniers, par exemple, plus tard. Mais je dirais que là où il s'est vraiment engagé, c'est là où la cause de ceux qu'il défendait et l'affection qu'il leur portait. Vous voulez dire que c'est la condition humaine, que la condition politique qu'il a poussée. Il y a l'humaine, mais il y a la subjective aussi. Ça veut dire là où il a vu que à travers ce combat, il y avait une manière aussi de se transformer, de créer une beauté qu'il ne trouvait pas, disons, dans toutes les révoltes, parce que toutes les révoltes n'arrivent pas toujours à trouver leur forme esthétique. Et lorsqu'il parle d'esthétique, il ne parle pas de la beauté des hommes, il parle de la beauté de la révolte, de cette lumière qui fait qu'on transcende et qu'on se débarrasse de l'humiliation, de l'écrasement pour se mettre debout. Et c'est pour ça que dans ce magnifique texte qui est 4 heures à Chatilla, il commence le texte en parlant pendant 3 pages des combattants qu'il a rencontrés en 70 dans les bases des Fedayines, comme il aimait les appeler, en Jordanie, où c'était des combattants qui se révoltaient, qui étaient sur deux forts, qui allaient faire leur opération contre l'armée israélienne dans les territoires occupés. Et donc, lui, pour surmonter ce qu'il voit, au lieu de les voir uniquement comme des victimes, il les voit aussi comme des combattants qui ont été, pour comprendre pourquoi ils deviennent victimes 20 ans plus tard. Parce qu'en 70, c'était vraiment à l'apogée, au summum de la révolution palestinienne, à laquelle il a assisté, avec qui il a vécu. Genet a vécu 6 mois dans les bases des combattants, parce qu'il a, été à l'invitation de Mahmoud El-Hamchari, le représentant qui était à Paris, qui malheureusement a été assassiné en 72 par les Israéliens. Il a été pour témoigner de l'affrontement qu'il y a eu entre les combattants de l'OLP et l'armée jordanienne. Qui a coûté septembre à l'époque, noir, ce qu'on a appelé septembre noir. Ce qu'on a appelé en septembre 70, noir. Hein, c'est ça, septembre. Mais 70, oui. En faisant ce voyage, en rencontrant ces Palestiniens dans les camps de réfugiés, en rencontrant les femmes qu'il a adorées, et en sentant littéralement, physiquement, la révolte, parce que ce qui l'intéresse, c'est cette révolte. Il a voulu rester, et il a demandé à Arafat la permission de pouvoir aller n'importe où, inclus dans les bases. Il est resté 6 mois. De novembre 70 à peu près mars 71. Donc le terrain était, si j'ose dire, pour lui, préparé pour ce déplacement non, ensuite. Non, pas du tout préparé. Son terrain mental était préparé peut-être. Non, je pense qu'il était, pas mentalement, mais émotivement. Il est parti avec une préparation mentale qui est de dire oui à Mahmoud El-Hamchari, je vais aller témoigner de ce que vivent les combattants palestiniens face à l'armée jordanienne. Mais ce qu'il a retenu, c'est l'émotion dont il parle de manière extraordinaire, pas dans 4 heures à Chatilla, mais dans Un captif amoureux. Le livre de 400 pages, qui pour moi est un chef-d'œuvre et qui est son livre posthume, et qui raconte en détail sa découverte de ce que c'est que cette population de réfugiés dans les camps, ce que sont ces familles, ces femmes qui ont une telle force qu'elles portent littéralement les hommes. Je pense qu'il y a ce côté émotif qui est très important. C'est aussi fort aussi pour les Panthères noires. Hein. Alors, ce côté émotif qui est important, mis à rude épreuve, j'imagine, quand vous arrivez à Sabra et Chatilla. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je voudrais juste dire quelques commentaires. Premièrement, ce n'est pas venu aussi subitement qu'on peut le penser. Je l'ai connu en 75, 76 à Paris. Nous sommes devenus très vite amis parce qu'il y a une complicité. Comme je vous dis, il y a un côté... Jeunet est un homme qui a une spontanéité, une authenticité qui fait que ou bien ça marche du premier coup ou ça ne marche pas. Il a très peu d'amis, il ne veut pas en avoir, il ne cherche pas à en avoir. Mais lorsqu'il décide qu'il aime quelqu'un, c'est une longue histoire. Et donc, moi, je l'ai connu à Paris. Il avait envie de me raconter son voyage en Jordanie. Je pense qu'il avait besoin de le garder dans sa mémoire. Et puis, lorsque je vais m'installer au Maroc, parce que j'épouse un écrivain marocain, lui, il va beaucoup au Maroc parce qu'il a un ami qui habite à l'arrache, comme a dit Christelle. Et donc, on se retrouve très souvent ensemble. Lorsque... En 82 commence en juin le siège de Beyrouth, les bombardements, les coupures d'eau, la destruction d'une capitale arabe. Il est chez moi tous les jours. Et nous vivons de manière terrible notre impuissance à expliquer au monde que ce n'est pas vrai qu'Israël est en train de faire la guerre à un camp de terroristes. Parce que dans la presse, on disait que les Israéliens n'étaient là que parce qu'il y avait des terroristes à Beyrouth. Or, il n'y avait pas de terroristes à Beyrouth. Il y avait 400 000 civils palestiniens et peut-être 2 000 combattants qui étaient déjà partis avec les bateaux français, à la demande de François Mitterrand, avec Arafat. Et il y avait un accord qui s'était fait entre les Palestiniens, les Libanais, mais les Américains, les Français, les Italiens, pour que ces camps de réfugiés soient protégés après le départ du président Arafat et le départ des combattants. Et donc, au début, on essaye tous les deux de voir si on peut faire quelque chose, écrire des articles, attirer l'attention. Et puis, il ne se retrouvait pas dans tout ça. Finalement, moi, j'ai pensé que comme je voyais, et il me disait qu'il n'écrivait plus depuis, pas 10 ans, mais 25 ans, depuis les paravents, il n'avait plus eu envie d'écrire, il n'avait pas eu le besoin d'écrire. Et donc lorsque moi je décide que je vais rentrer dans des conditions difficiles, il s'impose à moi en me disant, tu n'iras pas seul, j'irai avec toi. Et c'est comme s'il était appelé par quelque chose. Bien, merci Laïla Chaïd, on se retrouve dans 3 minutes pour aller un peu plus loin dans la narration de cet épisode. دنيا سكتت ساهم دارت ما بغت دنيا سكتت ساهم دارت ما بغت صبرا وشاتيلا وزارار كبيرة صبرا وشاتيلا وزارار كبيرة اتفارت تبحت شيوخ وعيالات اتفارت تبحت شيوخ وعيالات Leïla Chaïdon, on se retrouve pour parler de ce moment très particulier que vous avez vécu avec votre ami l'écrivain Jean Genet quand vous êtes rendu dans les camps de Sabra et Chatila. Qui reste là, la blessure, le traumatisme de cette guerre en 1982. Comment vous réagissez et comment vous supportez ce qui s'est passé, vous qui êtes palestinienne, et que répondent l'OLP et les militants palestiniens devant ce drame qui nous avait d'ailleurs touché tous dans le monde entier. Oui, c'est-à-dire que nous avons écouté votre correspondant Yves Loiseau qui fait les premiers rapports au premier jour et que on pense qu'il y a 50 tués. En fait, il y a eu 3000 tués. Oui. On pense que c'était uniquement les forces de Saad Haddad et les phalanges. En fait, on découvre après, et votre autre correspondant, Alain Ménargue, le raconte très bien dans ses livres, les Israéliens avaient organisé ces massacres depuis le début. 6 mois plus tôt, Sharon avait été au Liban et avait mobilisé les forces phalangistes et de Saad Haddad, des forces libanaises et du parti phalange pour faire, je dirais, le sale boulot entre parenthèses, parce que l'armée israélienne n'aurait pas accepté tout ce que nous avons malheureusement vu, parce que les gens n'ont même pas été abattus, ils ont été tués à l'arme blanche, avec des haches, des couteaux, et que cette tuerie a duré plusieurs nuits, parce que elle s'est faite dans le silence, puisque l'arme blanche ne fait pas de bruit. Et donc l'armée israélienne a envahi Beyrouth le lendemain de l'assassinat de Béchir Smaïl. Elle a divisé la ville en secteurs. Elle a assiégé les camps qui sont à Beyrouth, et le plus grand étant Sabra et Chatila. Et ils ont amené ces forces, on a vu après les camions, les 4x4, ils les ont amenés à l'intérieur du camp, ces brigades des phalangistes de Saad Haddad, parce qu'ils les avaient littéralement préparés à faire ce massacre en leur disant que c'est les Palestiniens qui ont tué Béchir Gemayel. Maintenant, on sait que ce n'est pas du tout le cas, puisque celui qui a fait cet attentat a été, en tout cas, retrouvé, même s'il n'a pas été arrêté, et que les Palestiniens n'avaient rien à faire avec le massacre. Mais Sharon avait juré qu'il allait avoir la peau de Yasser Arafat. Il n'avait pas pu le faire pendant les 3 mois de siège, et à cause de l'intervention des grandes puissances et du désir du président Arafat d'épargner ce qui restait de cette pauvre ville de Beyrouth, il est parti avec les bateaux français sains et saufs. Et donc la vengeance de Sharon était de faire ce massacre pour dire, voilà, on a mis fin à la présence de l'OLP, et pour ça il n'a pas hésité à faire tuer des femmes, des enfants, des familles entières, et personne ne pouvait en parler de manière aussi forte qu'un poète comme Genet. Mais c'est vrai que ça nous a valu des mois de dépression, de sentiments de solitude, de colère, pas seulement à l'égard des Israéliens qui avaient très bien manipulé, inclus l'opinion internationale, à l'encontre des phalanges chrétiennes aussi. Non, non, je ne les absous pas. Mais je trouve que c'est trop facile de prétendre que ce serait pour des raisons d'opposition chrétien-musulman ou de haine palestino-libanaise que le massacre a eu lieu. Le massacre rentre dans une stratégie israélienne qui malheureusement commence en 48 avec d'autres massacres. Et ils ont utilisé les phalangistes, qui sont bien sûr responsables, d'ailleurs tellement responsables qu'ils ont du mal même aujourd'hui à ouvrir cette blessure. Mais on a trop vite disculpé les Israéliens en prétendant que les phalangistes se sont, d'une certaine manière, imposés aux Israéliens. C'est un peu difficile pour moi d'entendre ça. Mais bon, les auditeurs peuvent lire. Maintenant, il y a beaucoup de livres qui sont publiés qui expliquent réellement ce qui passait. Mais ça a été sûrement un des épisodes les plus difficiles parce que entre en question aussi toute la lâcheté, et je le dis malheureusement sur une antenne française, la lâcheté des puissances qui ont garanti au président Arafat la sécurité des camps. Et il y a dedans les Américains, les Italiens, mais aussi les Français. Pourquoi Israël, selon vous, a envahi le Liban en 1982? Alors là, le motif officiel, c'était pour sécuriser la partie nord d'Israël, Galilée, Péan Galilée. C'est encore. Parce qu'il y avait, le fait qu'il y ait des tirs partant du Liban sud n'était pas un fantasme d'Israéliens. Non, c'était vrai. C'était des tirs qui ne justifiaient pas une occupation. D'ailleurs, Sharon était ministre de la Défense. Il avait dit à Begin, qui était Premier ministre, nous rentrons 40 kilomètres au nord de la frontière israélienne. Ils sont arrivés à Beyrouth, qui est à 100 kilomètres. Donc, je vous dis, Sharon avait une obsession, celle d'abattre Arafat, de détruire l'OLP au Liban. Et c'est ce qu'il fait. Il avait le désir et la volonté de mettre en place un gouvernement pro-israélien, d'où le travail sur les phalangistes, dont on a amené les dirigeants en Israël, on leur a donné une formation militaire. Ça commence déjà aussitôt que 73, parce qu'on veut les mettre à la tête du gouvernement libanais, et Bachir Jmaïl est élu président. Les Syriens le font assassiner à Bachir Jmaïl, ouais, parce qu'ils ne peuvent pas accepter que le Liban, qui est, disons, l'arrière-cour de la Syrie, sur le plan, en tout cas, de la pensée politique du Parti Basse. Du fantasme syrien, oui, de la grande Syrie qui engloberait le Liban. Mais pas seulement fantasme, c'est vrai que c'est un pays dont la sécurité touche aussi beaucoup. Donc un pro-israélien à la tête du Liban voisin, c'est inacceptable pour Hafez al-Assad. Et c'est lui qui envoie donc le jeune homme qui fait sauter le siège. Mais tout ça, ça vous donne la complexité. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant qu'elle le fasse en fiction. Parce que vous imaginez, c'est comme aujourd'hui Alep. Je ne peux pas ne pas penser à Alep. Il y a 500 000 morts parmi les civils aujourd'hui en Syrie. Alep est une ville détruite, c'est une des plus belles villes du monde. Qui arrive à comprendre dans l'opinion publique, je dirais, pas spécialisée? Très peu de gens. Bien sûr. Ils sont touchés quand même, touchés, mais ils ne comprennent ils pas sont, forcément. Ils sont touchés, mais ils n'arrivent pas. C'est d'une telle complexité que nous avons besoin, aussi avec le temps, nous parlons d'un événement qui a eu lieu il y a 30 ans, nous avons besoin du temps pour revenir à, par le biais du théâtre, de la fiction radiophonique ou par la littérature, à comprendre des choses, parce qu'il faut regarder dans le temps long. Il ne faut pas aller uniquement au plus pressé, parce que les gens se ferment les oreilles, ne peuvent plus comprendre. Et il faut faire appel aussi à l'émotion, à la sensibilité et à l'art. Dernière question, Leïla Chaïd, elle est incontournable quand on vous reçoit, mais d'abord parce qu'elle est intéressante et on compte sur vous pour une réponse. Où en est le combat des Palestiniens aujourd'hui? Est-ce que les accords d'Oslo sont définitivement oubliés, rayés? Ils avaient ouvert un immense espoir. On s'est dit, bon, ça n'a pas marché, mais ça peut remarcher plus tard, oui, sur des pas bases. Nécessairement dans les mêmes termes. Vous savez, 2017, oui, c'est 50 ans d'occupation militaire. 70 ans depuis le plan de partage aux Nations Unies en 1947, qui a promis aux Palestiniens un État, comme il a promis aux Israéliens un État. C'est 100 ans de la déclaration de Balfour, ce haut dignitaire colonial britannique qui s'est cru le droit de proposer au mouvement sioniste un État en Palestine et qui n'avait aucune légitimité pour le faire. Donc, vous voyez le temps long, c'est-à-dire, nous traînons tout ça, l'effet du colonialisme britannique, la création d'un État qui culpabilisait l'Europe et l'Occident parce que beaucoup étaient des victimes d'un génocide terrible, et littéralement l'éradication de la Palestine, de la géographie du monde et des cartes, et on a un peu oublié qu'il y avait une population. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un passage très dur parce que nous avons un gouvernement israélien qui est peut-être le plus dangereux, le plus opposé à la coexistence et à la reconnaissance de l'autre et donc à la paix qu'on a connue en 70 ans d'existence de l'État d'Israël. Mais les Palestiniens sont là, ils ne vont pas disparaître et ils ont le sentiment qu'ils n'ont pas besoin de se justifier, ils sont chez eux. Ils ont proposé, eux, aux Israéliens, de vivre côte à côte dans deux États. Nous avons reconnu le peuple israélien, nous avons reconnu un État israélien. Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'État israélien qui ne nous reconnaît toujours pas. Mais il y a quelque chose sur le plan, je dirais, humain. Plus personne ne dira « les Palestiniens n'existent pas », comme on a dit à un certain moment. Et là, ils sont même dans vos émissions radiophoniques écrites par des jeunes créateurs de la FEMIS. C'est magnifique, c'est ça qui comptera. Merci infiniment, Leïla Chaïd. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jean et Leïla à Chatila. Une fiction écrite par Christelle Alves-Mera, réalisée par Pascal Deux et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Élise Christophe.